Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Et vous le savez, dans cette émission, on aime particulièrement valoriser les initiatives locales. Alors aujourd'hui, c'est la jeunesse qui prend la parole. En effet, du 20 au 24 janvier dernier, les élèves de terminale du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole, CFPPA Éducavert à Amboise, ont participé à une semaine artistique sur le thème des crises écologiques, encadrée par la romancière en résidence Katrina Calda. Les activités comprenaient des exercices d'écriture, la création de textes dystopiques, l'exploration de différents genres littéraires, des ateliers créatifs tels que le caviardage et la réalisation de moonboards, ainsi qu'une initiation à la lecture à voix haute avec le comédien Thierry Debuisé. La semaine s'est conclue par une lecture publique de leurs œuvres et la production de supports pour valoriser le projet. Simon Gilardi, enseignant et animateur au CFPPA, a accompagné ce projet et a partagé avec nous les enregistrements captés lors de cette restitution finale. Les voici. Bonjour, je suis une élève au lycée professionnel agricole d'Amboise. Nous allons vous présenter une interview sur les élèves de la classe sur une semaine artistique. Bonjour Clémence. Comment avez-vous choisi le thème ou le sujet de votre projet d'écriture ? Bonjour Gabriel. Du coup, j'ai choisi mon thème en regardant une image que les professeurs nous avaient donnée. Et donc, ça m'est venu directement en tête car il y a des problèmes comme ça dans la vraie vie. Et du coup, je me suis inspirée un peu du quotidien. Avez-vous eu l'occasion d'expérimenter des genres ou des styles d'écriture que vous n'aviez jamais explorés auparavant ? Oui, j'ai pu explorer l'utopie, la dystopie et tous ces genres-là que j'avais jamais entendu parler avant. Quels éléments de votre projet êtes-vous le plus fier d'avoir réalisé ? L'œuvre dont je suis la plus fière, c'est le moodboard. Le moodboard, du coup, c'est une façon de s'exprimer et de trouver des idées en découpant et collant des images venant de livres, documentaires, etc. Après, on peut aussi dessiner des choses, mettre des mots qui sont en commun, etc. Bonjour Julie. Alors, est-ce que le fait de travailler en groupe a influencé ta manière d'écrire ? Bonjour Lisa. Alors, oui, de travailler en groupe, ça a influencé ma manière d'écrire, car je ne suis pas quelqu'un de très inspiré de base. Et du coup, le fait d'avoir plusieurs idées venant de plusieurs personnes, ça m'aide beaucoup à inspirer mon imagination. Et où as-tu trouvé ton inspiration pour nourrir ton écriture ? Du coup, j'ai trouvé mon inspiration dans des livres que j'ai pu lire ou des séries que j'ai pu regarder, ou dans mon expérience personnelle que j'ai pu réaliser jusqu'ici, ainsi que dans des voyages que j'ai pu réaliser. Donc c'est un ensemble de choses que je mets en œuvre pour m'inspirer. Et comment as-tu vécu la présentation de ton travail devant un public ? Alors moi, je l'ai très bien vécu parce que je suis quelqu'un de très sociable, qui adore s'exprimer à l'oral. Donc, en soi, ça ne m'a pas du tout stressée. Au contraire, j'ai trouvé cette expérience très satisfaisante. Bonjour Armand. Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés pendant cette semaine artistique ? Bonjour Adèle. Alors, mes principaux défis, ça aurait été de trouver un univers auquel je pourrais me baser le plus possible et d'avoir une sorte d'originalité qui sorte un peu de ce qu'on fait sur la dystopie. Et est-ce qu'au début de la semaine, vous aviez la motivation pour participer à ce projet d'écriture artistique ? Alors, au début, j'étais pas forcément motivé. Je m'attendais pas trop à ce qu'on allait faire toute la semaine. Mais au fur et à mesure, je trouve que c'est assez sympa. On crée nos propres histoires, on fait des activités sympas. Merci Armand, Clémence et Julie pour votre témoignage sur cette semaine artistique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous vivons dans une époque où la nature, ce bien précieux et fragile qui nous entoure, nous appelle à l'aide. Les crises écologiques qui secouent notre planète ne sont pas de simples désagréments temporaires, mais des avertissements sévères qu'il faut vraiment prendre en compte. Plus longtemps on fait abstraction de ces catastrophes naturelles, plus les conséquences seront désastreuses. Pendant trop de décennies, on a perdu de vue la véritable relation entre l'homme et la nature. Le respect de la nature et du vivant est une nécessité et un impératif vital. Le vivant, dans toutes ses formes, qu'il soit animal, végétal ou humain, est incomparable, irremplaçable, indispensable. Ce que nous infligeons à la Terre, nous l'infligeons à nous-mêmes, à travers l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, la nourriture que la Terre nous offre. Nous sommes le 2 avril 2052. Jason et Kimberly courent en direction de l'Empire Tête-Butte. Le seul endroit où on puisse Pour propager le virus à grande échelle, il faut arriver au pied de cette gigantesque tour. Ils ont peu de temps, car le virus a une durée de vie limitée. Jason s'avance et essaye d'ouvrir la porte, mais elle est bloquée. Il faut trouver un autre moyen de pénétrer dans cette tour. Kimberly s'énerve et casse la porte en verre à coups de pied. Le vacarme du verre brisé se fait entendre jusqu'à deux pâtés de maison. Jason et Kimberly entrent dans l'Empire State Building pour y propager le virus, sauf que la tour est remplie de gardes armés. Jason dit à Kimberly. Appuyons sur l'alarme incendie pour que les gardes se retrouvent dans le hall d'entrée. On aura champ libre à prendre dans les bouches d'aération jusqu'à l'ascenseur pour ne pas se faire voir. Une fois sorti de l'ascenseur, au dernier étage, plus qu'une étape à franchir. Une porte fermée se trouve sur leur passage. Le seul moyen de l'ouvrir est d'avoir une carte magnétique. Jason fouille dans ses poches, et là, il sort quelque chose de dur. Une carte d'accès. Kimberly dit. Essayons-la, nous n'avons rien à perdre. Jason s'approche et entend un bip, puis le déverrouillement de la porte. Un soulagement énorme, ils peuvent enfin disséminer le virus grâce à une machine que la mère de Kimberly avait confectionnée lors de ses années de travail scientifique. Kimberly dit à Jason. On va enfin se venger de ces riches égoïstes qui ne pensent qu'à l'argent, et pas à la planète. La nature peut enfin reprendre ses droits. Le virus se propage très rapidement. Les humains tombent les uns après les autres. Mais Jason et Kimberly n'ont pas le temps de se mettre à l'abri. Ils ont le temps d'échanger un dernier regard, puis leur corps commence à convulser avant de tomber au sol. Un silence profond règne sur la ville. Aujourd'hui, en 2150, moi qui ai vécu la grande crise écologique, je peux vous dire que notre vie a changé du tout au tout. Aujourd'hui, nous avons conscience de l'importance de la nature et de la biodiversité. Les nouveaux bâtiments accueillent les oiseaux sauvages sur les toits et des arbres poussent sur les balcons pour abriter la faune. Doucement, Cécile. Et puis l'air dans nos rues est de nouveau pur. Les voitures ont des carburants non polluants, les vélos, les transports en commun sont partout. Quand je regarde au loin, j'aperçois le bleu des panneaux solaires qui alimentent mon foyer. Les grandes villes sont devenues des parcs et de mon balcon, je vois les biches et les chevreuils qui jouent sans que personne ne les dérange. Je suis fier de vivre dans ce nouveau monde, plus respectueux du vivant, et de laisser un futur heureux à mes petits-enfants. Après la pandémie, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de me rendre chez Monsieur Rambaud. Les travaux qu'il me fait faire sont si usants moralement, si fatigants physiquement, que j'en ressors épuisée et démoralisée. En plus, si je ne suis pas assez efficace, il ne me paye pas. Pas le moindre centime. À chaque fois, je dois ramasser 3 tonnes de bois, le ranger et puis nettoyer les abris de ses poules. Je fais ce travail à la main, sans fourche, sans gants, sans chaussures. Quand je ne finis pas dans les temps ou que le travail est mal fait, mon patron me tape sur le bout des doigts avec un marteau et me lance des injures. Je me sens comme un esclave, souillé et mauvais. Depuis la pandémie, la vie est devenue dure. Mes parents sont morts et nous ont laissés, mon petit frère et moi, livrés à nous-mêmes. C'est pour ça que je n'ai pas le choix. Je dois me faire de l'argent en travaillant chez les nobles. Ces nobles qui ont pris le pouvoir depuis la pandémie. Mais puisque je n'ai pas le choix, me voici en train de marcher entre les débris des habitations abandonnées, les bouts de verre, les cadavres. Il fait un froid glacial, mais je n'ai même pas de chaussures, seulement des chaussettes trouées. Je rêve d'un beau manteau chaud et d'un bonnet fourré. J'évite au dernier moment un morceau de ferraille rouillé. Retour à la réalité. Pas question que je me blesse ni que je sois malade. Je serai trop fragile face au virus. Et si je meurs, que deviendra mon petit frère? Le 3 mai 2021, Rose, une petite fille de 11 ans, accompagnée de sa mère Laetitia, rend visite à sa grand-mère Rosemonde à l'hôpital. Rose était heureuse de voir sa grand-mère. Elle entra en courant dans sa chambre et la serra fort dans ses bras. Sa grand-mère sourit. Elle aussi était heureuse de voir Rose. Coucou mamie, alors ça va aujourd'hui? Rosemonde dit oui en faisant un signe de tête. Dis maman, pourquoi grand-mère elle est à l'hôpital? Comme tu sais, mamie était agricultrice. Elle voulait nourrir les humains. À l'époque, les agriculteurs utilisaient énormément de produits chimiques. À cause de ça, elle a développé une maladie incurable. Mais Rose n'en avait pas fini avec les questions. D'accord, mais à quoi sert la racine sur sa bouche? Sa mère lui dit, c'est une machine pour aider mamie à respirer. Tout d'un coup, Rosemonde ferme les yeux et ne bouge pas. En panique, Laetitia court chercher les médecins, qui font tout pour la réanimer. Mais c'est trop tard. Rosemonde n'est déjà plus de ce monde. Avant de repartir chez elle, Rose s'approche de sa grand-mère et lui prend la main. Peut-être que tu ne m'entends pas, mais sache que pour moi, tu es un exemple. C'est pour ça que je veux marcher dans tes pas. Alors c'est décidé. Je serai agricultrice pour nourrir l'humanité. Comme toi, tu as pu le faire. Rose embrasse sa grand-mère sur le front et ajoute, mamie, sache que tu es la rose la plus belle du monde. Nous sommes le 27 mars 2060 et le président annonce à la télévision. Le pays a usé toutes les ressources dont il disposait. Nous devons changer complètement de vie si nous voulons suivre. Nous allons aménager les forêts pour en faire notre habitat et collaborer avec la nature. Les villes seront détruites pour laisser place à de nouvelles forêts. Préparez-vous. Le jour du déménagement est arrivé si vite. Nous prenons une dernière fois la voiture et partons. L'aménagement est compliqué pour moi. C'est étrange cette nouvelle ambiance, mais on finit par s'y habituer. Je n'avais jamais vu une forêt aussi belle. Lumineuse, dégagée. On y trouve des fontaines et des statues très naturelles. On aperçoit des animaux. Comme si ils étaient là pour nous accueillir et nous faire comprendre qu'ils étaient d'accord pour qu'on cohabite. Ils sont magnifiques. Déjà un mois que nous sommes là, au milieu de la nature et des animaux. Et je vis bien. Les téléphones et les voitures ont disparu, c'est plutôt apaisant. L'école continue et la vie est plutôt simple, sans la haine des réseaux et le bruit de la circulation. Nous profitons et nous vivons au jour le jour. J'aime cette nouvelle. Le permafrost a fondu en totalité. Un virus mortel pour l'homme s'est échappé de la glace et 70% de l'humanité a été décimée. Jour 10, 13 septembre 2037. Aujourd'hui, j'entame mon 10e jour. Je me trouve dans un immeuble abandonné non loin de Détroit aux États-Unis. L'endroit est totalement désert. Je suis au 4e étage, le seul où les fenêtres ne sont pas réduites à l'état de fragments. Je viens de finir d'installer mon couchage, il fait un peu frais. Je n'ai plus aucune notion du temps, mais il fait encore jour. D'ici, je peux voir les routes remplies de voitures abandonnées et de cadavres. Leur odeur répugnante de putréfaction emplit mon nez. Je suppose qu'à force, on finit par s'y habituer. Cette odeur me rappelle ma séparation brutale avec mes parents. Jusqu'à ce jour, je n'ai croisé aucun survivant. Je ne veux pas être la dernière représentante de l'espèce humaine. J'espère que des personnes ont pu s'en sortir, que quelque part il y a un camp de réfugiés. Si c'est le cas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le trouver. Pour le moment, je ne présente aucun symptôme du virus. Mais je suis bientôt à court de nourriture pour moi et mon chien Onion. Il va falloir que je parte fouiller les supermarchés pour trouver des aliments en conserve. Ma journée se termine ici. PS, j'espère me réveiller demain matin. Alberto est un père de famille qui a perdu les siens lors de la grosse émission de toxines produite par les arbres. Nous sommes en 2130, New York est devenu vite l'homme et surtout végétalisé. Plus personne aux alentours, la ville est muette mais en même temps bruyante. On entend les oiseaux chanter, les chiens aboyer, on voit des chats se déplacer comme s'il ne s'était rien passé. Dans la rue, personne, plus d'humains, plus de voitures, tout est à l'arrêt, comme si on était dans un autre espace-temps. J'ai rencontré un jeune adolescent, il était seul, et comme moi, il doit être immunisé contre la toxine. 3 jours après le début de nos recherches, on tombe sur quelque chose qui ressemble à une porte. Il doit y avoir un bunker derrière. Hé, Alessio, montre-toi la caméra, peut-être qu'il y a quelqu'un dedans. Et frappe à la porte pour faire du bruit. Et toi, pendant ce temps-là, fais le tour du bâtiment, on a peut-être loupé quelque chose. Je laisse Alessio devant la porte. Soudain, je l'entends crier, plutôt m'appeler de toutes ses forces. Alberto, Alberto! Je cours vers lui. Qu'y a-t-il, Alessio? La porte est ouverte. Génial! Il y a donc quelqu'un à l'intérieur, non? Entrons, sinon on ne saura jamais. J'entre en premier, Alessio me suit. On arrive dans un sas de décompression, la porte se referme derrière nous. On se fait désinfecter, puis une autre porte s'ouvre. On rentre dans une grande salle, il n'y a personne. On continue à avancer jusqu'à ce qu'on tombe nez à nez avec un homme qui a l'air perdu, inquiet. C'est un jeune, environ la vingtaine. J'essaie de lui parler. Bonjour, je m'appelle Alberto. Et voici Alessio, mon ami. Un silence. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Elias. C'est toi qui nous as ouvert ? Oui, je n'aurais jamais dû vous ouvrir. Pourquoi ? On n'ouvre pas, aux gens de l'extérieur, c'est la règle. Mais j'en avais assez d'être enfermé avec tous ces scientifiques et ces médecins. Pas moyen de parler normalement à quelqu'un. Médecins ? Chercheurs ? Où sont-ils ? Ils sont dans un laboratoire qui essaie de confectionner un vaccin pour sauver le reste de l'humanité, car nous pensons qu'il y a des survivants autre part. Pourrais-tu aller les chercher ? Oui. Elias vient de partir, nous attendons patiemment son retour. Le temps passe, toujours personne. Je sens l'air se raréfier dans la pièce. Je me tourne vers Alessio, il a tout compris. On se précipite vers la porte derrière nous, verrouillée. Nous sommes tous au piège. Le visage fermé et sûr de lui, M. Anderson, président universel élu en 2108, se prépare à faire son discours. Cela fait 10 ans que les annonces de restrictions d'énergie s'accumulent. Jérôme, devant sa télé, remet le son pour écouter. Cela fait maintenant 2 mois que le taux de CO2 dans l'air stagne. Or, il faudrait qu'il baisse en continu. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter les restrictions qui ne sont majoritairement jamais respectées. Dans 1 minute, toutes les activités utilisant l'électricité et le gaz seront arrêtées. Mes derniers mots sont les suivants. Je sais que l'on est en plein hiver et que certains ne pourront plus se chauffer. Cependant, ne vous inquiétez pas, la sélection naturelle fera son travail. Si vous tenez l'hiver, vous serez capable de vivre longtemps. Tout d'un coup, la télévision s'éteint. Jérôme, fou de rage, s'empresse d'annoncer la nouvelle à sa femme Josiane, mais elle l'interrompt. Pourquoi la lumière s'est éteinte ? Il y a une coupure de courant ? Non, c'est M. Anderson qui a décidé de tout couper. C'est de pire en pire, s'exclame Jérôme. Plus les jours passent, plus les habitants se battent pour la nourriture, les vêtements et même les choses inutiles comme les jambes de voiture. Jérôme et Josiane se barricadent dans leur maison, les gens rôdent, les voleurs se font nombreux, les gens deviennent fous et les gangs se créent. La veille, leur voisine a été assassinée à coups de marteau. Et le lendemain, son corps avait disparu. On pense qu'elle a été dévorée. Ils vivent dans la peur. Comment survivre dans un tel monde ? Ils ne sont plus des humains, mais des animaux. L'instinct naturel reprend le dessus. En 3300, il n'y avait plus d'oxygène sur Terre. On était obligé de vivre avec un max d'oxygène artificiel. Les scientifiques, en s'inspirant de récits historiens sur des civilisations anciennes, on retrouvait des techniques naturelles pour créer de l'oxygène grâce aux plantes. En 1 siècle, la planète a retrouvé sa fertilité. Mais les gleuses, des êtres vivants ailleurs dans l'univers, cherchent un moyen de prendre l'oxygène des planètes qui en possèdent. Ils ont découvert la Terre, bleue, verte, grouillante de vie. Un monstre en fer rouge et vert, grand comme 10 fois la tour Eiffel, aspire tout sur son passage. Les arbres, plantes, sangliers, souris, tigres, ragondins, poissons, les humains sont incapables de faire face à des technologies et des armes d'une telle puissance. Pour convaincre les gleuses de les épargner, les humains partent à l'autre bout de la galaxie pour planter des arbres, creuser des lacs, installer la vie. Cela ne fonctionne pas, car il fait trop chaud sur la planète. Les gleuses, furieux, détruisent tout ce que les humains ont installé, puis repartent sur la planète Terre. Les humains ont construit un dôme autour de la planète pour la cacher. Les gleux cherchent, mais ne parviennent pas à la retrouver. Un jour, ils reviendront pour conquérir la Terre. Je suis agriculteur, en train de récolter mon blé. Le travail est dur, épuisant. Juste avant que tout commence, je me revois, la faucille dans la main, debout dans mon champ. Je regarde l'horizon quand une meute d'hommes armés des pieds à la tête arrive au loin. Leur démarche reflète une détermination sans faille. Les robots aussi sont présents. Ce sont les nouvelles armes conçues il y a peu. Nous voyons les soldats s'entretuer, les robots tirent sur tout le monde sans se soucier s'ils sont dans leur camp. Les épées résonnent et les chevaux galopent. Cela semble interminable. Puis d'un seul coup, le silence règne. Personne n'a gagné. Les corps jonchent le sol. C'est le silence qui marque la fin d'une dure journée. Autant pour les soldats que pour nous, paysans. Mesdames, messieurs, j'appelle à un monde où ceux qui nous nourrissent pourraient eux aussi se nourrir. Un monde où les citoyens arrêtent de dénigrer ce métier qui permet à chacun de vivre. J'appelle à un monde où produire la nourriture ne se ferait pas au détriment de la santé des agriculteurs. À un monde où on ne sacrifie pas le bien-être animal pour nourrir les humains. Un monde où ce qu'on mange est produit chez nous et pas de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'Afrique. J'appelle à un monde où nous faisons le choix d'une agriculture qui respecte les équilibres naturels, une agriculture qui célèbre la vie. Quel jour sommes-nous ? Je suis encore un peu fatiguée. Je recouvre mon visage avec la couette, me cachant de cette lueur qui me fait mal aux yeux. Cette odeur est étrange, un mélange de produits ménagers et de renfermés. C'est quoi cette odeur ? Ma curiosité s'attise, je repousse le drap. Je décide enfin de me lever, manquant de tomber par terre. Mon corps est engourdi, je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Je me tiens au lit, et c'est à ce moment-là que je remarque tous les câbles étuyant me tenant comme une marionnette. Sous le coup de la panique, j'arrache. Ma gorge émet un cri de stupéfaction. En m'arrachant tous ces fils, je remarque que le lit auquel je me tiens n'est pas celui que je connais. Ces draps blancs, les tours du lit métallique. La panique s'empare de moi. Mais où suis-je ? Je tourne ma tête. Je vois une pièce, porte ouverte, un rayon de lumière en ressort. Je cours droit vers cette lueur. Tout descend dessous, les ustensiles étalés par terre. L'odeur de la terre et de l'herbe hante la pièce. La lumière qui provient de ces télés, étrangement en bon état comparé au reste de la pièce. Écrit en rouge et en gras, on ne peut pas le louper. L'urgence mondiale, la nature a repris le dessus. L'urgence humanitaire, quand la nature et les humains échangent leur rôle. Alerte, la végétation remplace la surface des mers. Qu'est-ce qui se passe ? Je regarde la date affichée en haut des télés. 20 janvier 1995. 1995 ? Mais hier, on était en 1993 pourtant. Je me dis que c'est sûrement une erreur, alors je passe outre. Dans mon champ de vision, je vois une lueur à l'autre bout de la pièce. Je m'y dirige. Mon visage se froisse, la peur envahit mon corps. J'ai l'impression que mon cœur loupe un battement. L'image sur cette télé m'effraie. Ce n'est pas possible. Comment cette chose peut-elle vivre ? Cette créature est-elle réelle ? La fin du monde ne s'était pas produite du jour au lendemain. Mais ta force de négligence, d'inaction et d'indifférence a été devenue une évidence. Les hommes avaient épuisé toutes les ressources de la terre. Quand l'air devint irrespirable et que la nourriture se fit rare, ils disparurent, victimes de leur propre insouciance. Il fallut des décennies pour que le climat, les lacs, les rivières reviennent à la normale. Les animaux avaient repris le dessus. Les lions, les tigres, les loups vagabondaient dans les rues abandonnées des anciennes grandes métropoles. Leur rugissement résonnait sur des champs où jadis le béton régnait en maître. Les arbres, autrefois menacés par l'homme, recouvrirent de leurs racines et de leurs feuilles les ruines du monde d'avant. L'herbe poussait entre les fissures des anciennes routes, et dans le ciel sans avion, les oiseaux retrouvaient leur liberté. Les quelques survivants, terrifiés et épuisés, s'adaptaient lentement au nouvel ordre du monde. Ils avaient réappris à vivre avec la nature, leurs anciennes technologies étaient devenues inutiles. Ils revenaient à des gestes simples, cultiver la terre, pêcher, chasser et cueillir. Ils n'étaient plus maîtres, mais témoins d'une renaissance, celle d'un monde débarrassé de toutes les calamités humaines. La planète n'avait pas disparu, elle avait retrouvé son équilibre. Et dans le silence de cette nouvelle ère, la vie se poursuivait, plus forte, plus sauvage, plus libre. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je me tiens devant vous pour vous parler d'un sujet fondamental. Un sujet qui touche chacun d'entre nous, sans exception. L'eau. Cette ressource précieuse et vitale. L'eau est la source de toute vie sur notre planète. Elle est indispensable à notre survie, à notre santé, à notre alimentation et à notre environnement. Sans elle, aucune forme de vie ne pourrait exister. Pourtant, malgré notre rôle essentiel, nous avons tendance à la considérer comme acquise, oubliant qu'elle est à la fois précieuse et limitée. Il est temps d'agir, vous et moi, ensemble. De l'air frais, un léger bruit de ruisseau qui parvient à mes oreilles. Je sens chaque rayon du soleil qui effleure ma peau. J'ouvre les yeux et je remarque que je suis dans la ville où j'ai grandi. Elle me paraît encore plus belle que dans mes souvenirs. Je pourrais jurer que d'autres végétaux sont apparus. Je peux même sentir la lavande. Une onde de paix m'enveloppe. Le chemin qui rejoint mon ancienne maison me paraît infini. Quand j'arrive enfin, je prends une grande inspiration, ce qui me permet de sentir le bois de l'encadrement de la porte, le repas que ma mère commençait à préparer lorsque je rentrais de l'école. Je peux même sentir la légère odeur de cire d'une bougie qui fond sur la table à manger. Je pousse enfin la porte. Lorsque mon environnement se tache, je deviens entièrement noir. Le sol sous mes pieds disparaît et mon corps subit une chute extrêmement douloureuse. J'ouvre les yeux. Jour 83, midi 37, patient réveillé. J'essaye d'hurler au secours, que l'on arrête cette douleur qui ne fait qu'empirer, mais je ne peux pas bouger. Je tourne la tête et remarque un ciel gris. Ce ne sont pas les nuages. Des klaxons, ce fameux bip. Jour 83, le bip. Je suis à l'hôpital. J'ai été réanimé, encore. L'accident nucléaire, c'est lui qui m'a conduit à cet enfer. Le ciel gris n'est que de pollution. Pourquoi ne vois-je pas de végétation? Où est passée la maison de ma mère? Enfin, il y a 2 ans, feu de forêt. Il a tout détruit sur son passage. Pourquoi je suis ici? On observe une dégradation de certains organes vitaux. Cette voix, je la reconnais. Celle du médecin. 80 jours qu'on me garde en vie pour des effets nucléaires sur l'homme. 83 jours que j'essaye de mourir. 83 jours qu'ils me maintiennent en vie pour leurs expériences. Car oui, maintenant l'humanité est vouée à souffrir. Pour la science. Bonjour à tous, mes amis d'Amérique, d'Afrique, d'Europe, bref, à vous tous. Si on est là aujourd'hui, c'est pour mettre fin à la dictature humaine et sauver notre monde. Mes frères, es-tu nos filles, nos femmes, nos fils? Ils détruisent nos maisons, nos villages, ils annihilent nos forêts. On ne peut plus rester sans rien dire. Pour changer notre monde, nous devons être soudés, que nous soyons des macaques, des babouins, des gorilles ou des wissidis, nous sommes tous les mêmes, des singes. Il ne faut pas de discrimination entre nous, que nous soyons grands, petits, gros ou costauds, nous devons être là les uns pour les autres. C'est terminé de vivre sur l'esclavage des humains. Il faut tous les exterminer pour prendre le contrôle de notre monde. Mes frères Oustiti, en tant que représentant des gorilles, je ne peux pas prendre le risque de perdre encore l'un des miens. Nous ne pouvons pas prendre le risque de perdre l'un des nôtres. Doucement, mes frères. Calmez-vous. Personne ne sera tué lors de cette révolte. Aucun de nous et aucun d'eux. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Une approche plus raisonnée du sujet est possible, sans faire de mort. Mes frères, ouvrez grand vos oreilles. Après toutes ces années de massacre, d'extermination, d'humiliation, de discrimination, nous ne pouvons pas laisser leurs actes impunis. Mon frère, calme-toi. Ton raisonnement est totalement inapproprié et inconscient. Nous ne pouvons pas déclencher une guerre que nous ne pouvons gagner et qui éteindra à tout jamais notre espèce. Mes camarades, faisons un accord. Nous irons proposer un arrangement avec l'espèce humaine. Nous leur proposerons de partager le monde équitablement entre nos deux espèces. Et si leur réponse est négative, alors nous devons prendre les armes et passer à l'acte. Tous ensemble, macaques! Tous ensemble, babouins! Tous ensemble, gorille. Tous ensemble, wissidi. Tous ensemble, uni. Bravo aux élèves de terminale et à l'équipe du CFPPA pour cette belle initiative qui illustre l'importance de l'éducation artistique dans la formation des jeunes et les encourage à devenir des acteurs conscients et engagés face aux défis écologiques de notre époque. Merci également à notre stagiaire Gabriel pour le montage et le mixage de cette émission que vous pourrez réécouter en podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM.